ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots, c'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fin de chanson française de tous les temps et tous les autres bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2 et restez-y. Chanson d'hier, chanson d'avant-hier ou tube de demain. C'est un véritable panorama de la chanson française que la cerise sur le canto numéro 28 vous propose. Il est là, il est à la technique, Daniel en votre compagnie, pour ressortir les mélodies oubliées, vivre les succès actuels et découvrir les toutes dernières nouveautés des chansons françaises. Et puis un jury neutre qui classe les chansons de l'émission. Sans plus tarder, les résultats de la cerise sur le canto numéro 27, c'était donc il y a 15 jours, obtient la médaille de bronze. Ah oui, le jury a fait dans le rétro cette fois. Obtient la médaille de bronze, Patachou avec Aux frais de la princesse. Voici l'opus numéro 6 des Soulologues d'Honoré. Les 6000 francs aux frais de la princesse. Ce sont les impressions chantées d'Honoré Constant, député de la Seine, après le vote de l'indemnité parlementaire. Vrai, c'est chouette oh, d'être député. C'est pas un métier, c'est un rêve. On n'a pas besoin de comité, nous on se mettra jamais en grève. On se paie des gueuletons épatants, de la rigolade et de la gonzesse. On fout rien, on voyage tout le temps aux frais de la princesse. On vote pour le gouvernement, on est de mèche, on est solidaire. On s'en fout un peu du roulement et du repos hebdomadaire. On se fait rouler dans des sapins, dans des autos, dans des express, comme les ministres et les rupins, aux frais de la princesse. Pourtant des fois, je me dis mon vieux, et tes électeurs t'y pensent guère. Honoré sûr qu'il vaudrait mieux t'occuper des retraites ouvrières. Mais on pense plus aux populos quand on s'envole à toute vitesse vers Nice ou vers Monte-Carlo aux frais de la princesse. Je vais à Trouville, je vais à Trottat, je vais à Vichy, je vais à Plombières. Je vais partout comme un chef d'État, je fais mon monsieur Armand Falière. Je vais où que tous les braises y vont, et je pagnote avec la négresse chez la mère Mirette à Clermont aux frais de la princesse. Oui, mais pour faire ce métier-là, il faut avoir de la galette. Faut se payer des habits de gala et s'offrir du linge de toilette. Et puisque c'est nous les gérants, pendant qu'on tient les clés de la caisse, on s'est augmenté de 6000 francs aux frais de la princesse. Ah, il faut dire qu'ils avaient fait fort. Ils étaient passés de 9000 francs, attends, on est dans les années 30, hein, même bien avant, ils étaient passés de 9000 à 15000, youpi, d'un seul coup. Oh, les choses ont bien changé maintenant, non, vous ne pensez pas? Ah bon? Yves, je vois Yves qui rit dans sa barbe. Allez, médaille d'argent pour le duo Véronique Sanson, Marc Lavoine, Une nuit sur son épaule. Parler de sa vie,

Anne-Marie Bataillé. Ça vous dit quelque chose, Yves ? Pas, non. Il réfléchit, non que dalle. Ben, Anne-Marie Bataillé, c'est une chanteuse trop rapidement oubliée, alors qu'elle a partie, elle est en partie permis à Jean-Jacques Goldman de percer. À la fin des années 70, Anne-Marie Bataillé participait à un télécrochet, une sorte d'ancêtre de la Star Academy, et la première étape franchie, grâce à Gros Câlin Blues de Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, qui n'était pas encore dans le métier, il travaillait dans le magasin de ses parents, Sport 2000, à Montrouge, en région parisienne. Et après cette victoire partielle, Anne-Marie Bataillé sollicita à nouveau Jean-Jacques Goldman, qui lui écrivit « Fais-moi des sourires ». Et ça, ça lui permet de gagner l'étape finale du concours. Donc, elle avait gagné son concours avec les chansons de Jean-Jacques Goldman. Paris gagné pour Anne-Marie, Paris gagné pour Jean-Jacques Goldman. Et suite à ces diffusions, c'est un certain Marc Lambroso qui vint contacter Jean-Jacques Goldman. Et la suite, on la connaît. En ce qui concerne Anne-Marie Bataillé, on ne la connaît pas. Allez, fais-moi des sourires, Anne-Marie Bataillé. On s'apercevra vite que les paroles de la chanson suivante font référence au film « Le cercle des poètes disparus ». Rappelez-vous, « Ô capitaine, mon capitaine », un poème qui évoque l'assassinat d'Abraham Lincoln.

s'appelait Ève. C'était vraiment la fille mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur. En douceur, en douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était chouette pour qui savait y faire. Lui pardonnant cette manie, je propose de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolère ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. Puis un beau jour j'en ai eu marre, c'était pire que la mer à boire. J'ai refilé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, c'était chouette les filles du bord de mer. C'était faite pour qui savait leur plaire. C'est en 1963 que Alain et Daniel Boulbil forment ABBA Cadabran, ça je l'ai dit. Version française et enfantine du groupe ABBA, avec la comédie musicale ABBA Cadabra, il y a là Daniel Balavoine, Fabienne Thiébaud, Plastique Bertrand et des enfants, dont Stéphane Le Navelan, chanteur soliste des Petits Chanteurs d'Aniens, et bien d'autres, une version d'arrivée de Fernando Lanfando Stéphane. Thank you. La prochaine chanson, qui est extraite de l'album de Jennifer, Nouvelle Page, un album sorti en 2018, est écrite par Christophe Maé et Paul École. À ce sujet, d'ailleurs, Jennifer déclare « Christophe Maé m'a fait l'honneur de m'écrire deux chansons et cela s'est fait naturellement. Oh, c'était drôle de se retrouver chez lui à partager ses maquettes et il écrivait au fur et à mesure qu'il m'entendait chanter. Tout n'était pas construit d'avance et j'aime que ce ne soit pas tout écrit, pas tout calibré. J'aime cette sincérité chez Christophe Maé. J'aime cette sincérité-là chez lui, comme c'est bon, Jennifer. » Après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel posé sur ta bouche là. Crois-moi ou pas, je t'emmène revoir le ciel pour te chanter au soleil. Il était venu de son pays de neige, tout droit vers le sud, sans presque s'arrêter. Oh mon Dieu, que c'est loin de la Norvège, la Méditerranée. Une chanson de 1964, Christiansen, France Gall. C'est loin, c'est loin de la Norvège, la Méditerranée. C'était ses yeux verts et c'était sa guitare qui avait payé ce voyage de fou. Quand il en jouait, on lui offrait à boire, on lui donnait des sous. Christiansen, et ce vieux traîneau qu'il lançait sur la neige, comme on lance un bateau.

Et c'est ainsi que va s'achever la cerise sur le gâteau numéro 28 consacrée à la chanson française. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez retrouver le podcast en allant sur le site de Radio Fagette. À part ça, la prochaine cerise sur les cantos, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fagette Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Et sur le net, fagette.net, pour les autres Européens. Et puis comme il nous laisse, on a encore un peu de temps, hein, bien sûr. Oui, oui. Ah ben c'est mon chrono qui a déconné. Alors on vous laisse avec Bernard Lavillier et sa grande chorale, Les Mains d'Or, Bernard Lavillier. Allez, au revoir. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flamme rouge dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fait grincer les dents, monstre de métal qui va dériver. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge, mes mains d'or. J'ai passé ma vie là. Dans ce lami noir, les et mes collets noirs, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir. Sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier voudraient travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, répondez-le. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sais plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je ne peux plus habiter là, je ne sers plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire, je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge. Assure.